comment les crimes contre l'humanité sont-ils possibles? On parle depuis la Seconde Guerre mondiale d'une étrange catégorie juridique, d'une étrange sorte de crime qu'on appelle désormais les crimes contre l'humanité. Mais que veut-on dire par là? Quel sens exactement a cette expression? Ce sens est clair dans le droit, en tout cas, et justement dans le droit international, car il désigne des actes bien précis, des meurtres de masse. Le point est important, des meurtres de beaucoup de monde, en masse, cet étrange mot de masse d'ailleurs, des meurtres de masse en raison de l'appartenance à un groupe humain que d'autres humains veulent détruire ou exterminer comme tel. Il s'agit donc d'un génocide, au sens précis du terme, un groupe humain qui perpètre des actes contre d'autres humains. Comment cela peut-il donc être aussi un crime contre l'humanité en général, puisqu'il est commis par certains humains? Qu'est-ce qu'on ajoute par le mot de crime contre l'humanité en général? Est-ce que ça n'est pas une sorte d'abstraction morale ou idéaliste et bien dérisoire pour lutter contre des crimes qui n'ont certes pas cessé après la Seconde Guerre mondiale elle-même? Non, il faut dire que cette dénomination n'a rien de simplement dérisoire ou de simplement illusoire. C'est l'idée, au contraire, elle désigne une idée, certes, mais bien précise et avec des conséquences concrètes. Elle désigne le fait que ce terme très précis qu'il faut conserver, le génocide, ne désigne pas simplement un crime extérieur de certains humains contre d'autres qui seraient justement étrangers ou extérieurs à eux. Finalement, le risque de ce terme de génocide, c'est de perpétuer les raisons mêmes qui l'ont fait perpétrer en disant qu'il y a les autres. Le terme de crime contre l'humanité nous montre que ce type de violence, ou plutôt de violation entre les humains, surgit justement de l'intérieur et rend la communauté humaine impossible. Il faut donc prendre le terme de crime contre l'humanité ou le terme de génocide, un peu comme le terme de fratricide. Ce terme qui surgit dans la fratrie, là où normalement il ne devrait pas y avoir de meurtre et de violence, et qui fait surgir l'idée de la fraternité. Le crime contre l'humanité fait de l'humanité justement ce qui surgit d'une rupture interne, bien loin d'être évident, ce qui surgit d'un crime très puissant, exactement comme la fraternité ne surgit peut-être que sous l'ombre et le risque du fratricide. Et on est justement dans ce crime intérieur que désigne le génocide, dans l'idée même d'une humanité définie par les crimes possibles contre elle, bien loin d'être une évidence idéaliste ou illusoire. On est parfois surpris que non seulement le crime contre l'humanité trouve sa source dans le fratricide, dans une sorte de violence intime, et nous révèle la communauté entre ceux qui s'assassinent, mais qu'elle soit parfois étendue aujourd'hui au-delà des humains eux-mêmes. Le poète Michel Deguy a parlé de géocide à propos de la Terre, du crime, de la violence des humains contre la Terre, dans une image risquée avec le terme de génocide. Et aujourd'hui, le terme d'écocide, de meurtre de l'environnement, semble se répandre. Ce n'est pas artificiel, mais il faut distinguer les cas. Mais dans tous les cas, c'est pour désigner un crime intérieur. Le fait que la violence contre l'environnement n'est pas une violence contre un monde extérieur, mais contre nous-mêmes, une relation intime que les humains, là aussi, peuvent briser. Ces termes ne doivent pas mener à une confusion, mais à une enquête. Comment les crimes contre l'humanité sont possibles? Non seulement comment la notion est-elle pensable, mais comment les actes eux-mêmes sont concrètement rendus possibles par des causes psychiques, des causes sociales, des causes politiques, et comment les empêcher par des réponses, elles aussi morales, mais surtout juridiques et politiques.